Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon. Patreon.com/papacassette. Bon matin à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 109. On est vendredi matin, le 30 septembre. J'espère que tout le monde va très bien dans cette très belle journée ensoleillée, du moins ici, dans le Hochelaga à Montréal. Puis, moi, ça va moyen. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon corps. Je combats quelque chose. J'ai pas la grippe, j'ai rien, c'est interne, c'est dans l'estomac, c'est le ventre, c'est la tête. Je sais pas ce qui se passe, c'est vraiment étrange. Mais c'était une grosse semaine de pas beaucoup de dormage pour moi. Parce que lundi, je me suis chicané avec ma blonde. J'ai eu des discussions avec mes partenaires de l'arcade, je me suis chicané avec mon fils plus vieux, puis là, comme j'avais tout ça en tête quand je me suis couché lundi, ça marchait pas, fait que j'ai pas dormi. Mardi, j'ai recommencé à jouer au hockey, alors je me couche à 1h, je m'endors à 1h30 du matin, parce qu'on finit de jouer tard. Mercredi, on a eu un meeting qui s'est fini à 7h30, à 8h, on enregistrait Rétro Nouveau. Fait que là, après le meeting, j'ai comme, faut que je soupe, tu sais, faut que je mange de quoi, je vais perdre connaissance. Là, il y avait rien ici, parce qu'il y a rien ici autour du QG, tu sais, de Retro MTL. Fait que j'ai pas eu le choix de prendre une poutine à côté, chez Poutine Centrale, là, puis j'avais zéro envie de manger une poutine, là, mais il y avait rien d'autre, là, même pas, je peux pas aller au dépanneur, là, tu sais, il y a le vieux dépanneur dégueulasse, tu sais. Fait qu'il y avait rien à manger, fait que j'ai mangé une poutine, puis là, prendre une bière pendant le show, puis là, ben, on se couche plus tard, encore une fois. Hier, c'était jeudi matin, j'étais décris, ben raide. Il a fallu... Puis j'avais une grosse journée, je vais raconter ça bientôt. Puis j'étais tout à l'envers. Fait qu'hier soir, je me suis couché à fucking 9h15. Puis je me suis endormi genre à 9h30. Fait que là, j'ai dormi, puis je me suis levé vers 7h. Bon, je me suis réveillé 2-3 fois. Mais c'est beaucoup de sommeil, là. Puis un matin, je suis encore comme... J'ai mal à la tête, tu sais, j'ai mal sur le dessus de la tête. C'est très étrange. C'est très étrange, j'ai comme, je sais pas ce qui se passe. Là hier, j'ai presque pas bu de café parce que ça passait pas pantoute. Là, j'en bois un matin parce que Chris va mourir, là. Il faut que mon corps, tu sais, il faut que je me réveille, il faut que je recommence à prendre de la drogue. Peut-être que ça va m'aider, peut-être que c'est ça, hein? Peut-être que je suis en désintox de café aussi. Peut-être que je bois pas assez de café, peut-être que je bois pas assez de bière. Faudrait que... C'est comme si j'étais... Des fois, je me demande ça, tu sais, parce que... Dans le passé, quand j'étais étudiant ou whatever, on buvait quand même très régulièrement. Puis toujours en vieillissant, je bois tout le temps de moins en moins. Puis, tu sais, la bouffe aussi, la junk, j'en mange moins. Les mauvaises choses pour la santé, c'est tout le temps de moins en moins. Fait que je me demande si je suis pas tout le temps en genre de désintox de ces affaires-là. T'sais. Puis j'aurais dû rester là-dessus à la place pour garder une égalité. Je sais que médicalement, tout cela fait aucun sens. J'en suis... persuadé, mais quand même, des fois, je pense à ça. Mon corps, il est comme, quand est-ce qu'on recommence, là? Puis là, il est anxieux, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que tout ce mal-là aussi, ça me booste l'anxiété un peu, puis c'est ça. Fait que j'ai un peu la tête dans le cul un matin, pour être franc. Et puis, je vais me la sortir tranquillement, là, avec ce café-là. Mais ouais, des fois, je trouve ça difficile. Puis c'est ça, j'ai pas enregistré d'épisode personnel depuis un petit bout, depuis 2 semaines, tu sais. Pour être franc, je vais vous le dire, des fois je file pas en tout pour ça, tu sais. Parce que je suis seul à parler comme ça. Puis c'est comme un vlog, hein. J'expose ce que je vis puis tout ça. Puis des fois j'ai juste pas envie de parler, tu sais. J'arrive le matin ici au bureau, je regarde toutes les affaires à répondre, les choses à faire, les trucs. Puis, tu sais, pour Retro MTL, pour l'arcade, puis je suis comme. Je check même pas les affaires, les 4 emails que je reçois par jour des écoles de mes enfants. Puis, tu sais, je me sens fatigué, puis tout ça. Fait que j'ai vraiment pas tout le temps là, le désir là, de faire un podcast, puis, tu sais, je veux vous en donner, là. Puis, je suis pas dedans. Puis, ça donne rien si je suis pas dedans de le faire, tu sais. Fait que un matin, j'étais pas tout à fait dedans, mais là, je me suis dit, bon, là, c'est le premier matin que je suis tranquille, là, ici, là, puis qu'il y a rien de précis, puis il fait beau, puis c'est vendredi, fait que je vais prendre mon café, même si, puis je vais le faire, même si je me sens tout croche, ça va se faire. Fait que c'est ça, c'était important que je vous mentionne ça, comment je me sens. Pas toujours dans... Le power dans le piton, le vieux papa cassette, va vous dire ça. Je repense des fois avant l'arcade, avant tout ça, tu sais, quand j'ai commencé à faire des soirées au Funzo, là, tu sais, je faisais de l'animation, j'amenais mes consoles, on faisait party, puis tout, j'avais un bébé naissant, mon deuxième, donc mon autre avait 5 ans, tu sais, puis gros party, sur la gueule, on lâche pas les affaires, puis là, à cette heure, je suis comme libre de faire bien plus toutes ces affaires-là, puis on dirait, man, je perds l'énergie. Je vais avoir 43 ans bientôt, à Noël, et puis ça avance quand même. Chris, le temps passe vite. J'ai comme l'impression que je suis déjà à la fin de ma vie, là, des fois. Je suis tombé comme fatigué, tu sais, tout le temps. Ou, tu sais, puis quand c'est le temps de déconnecter, je déconnecte un peu, mais pas tant non plus. J'arrive pas à zoner out, tu sais. Il faudrait que je zone out. C'est ça. J'avais dit cet été que je voulais essayer... quelques formes de cannabis, et puis je l'ai même pas fait finalement. On avait tout ce qu'il faut, des sprays puis tout, mais il y avait des enfants partout, puis là, tu sais, jamais seul pour faire ça. T'avais de faire ça chez nous dans le sofa, j'ai comme deux sprays, puis je vais partir GameSack sur YouTube, puis je vais juste regarder ça, genre, tous les jeux de Neo Geo existants. C'est comme, ah ouais. Tous les jeux de Sega Master System, voici, je vous les présente un par un, moi sur le spray, c'est comme, ah ouais. C'est ça que je veux faire. Je veux fader out, esti. C'est ça que j'ai besoin. Ah là là là là. Mais ouais. Alors, fallait que j'en parle. Ça va bien. Inquiétez-vous pas, mais c'est ça. Des fois, je manque de power. Plus ces temps-ci parce que j'ai beaucoup de préoccupations. Mais c'est des préoccupations quand même positives par rapport au travail. Donc, je vais vous parler de travail un peu. On va commencer avec Retro MTL parce qu'il se passe pas mal de choses. J'en ai jamais vraiment... j'en ai pas parlé dans mes épisodes, mais je vais le mentionner. Le département de réparation chez Retro MTL est fermé. Donc, depuis un bout. En fait, il avait déjà été mis sur pause depuis bien longtemps. Le temps qu'on finisse un contrat pour l'Université de Montréal, parce que l'Université de Montréal a un département, un labo de jeux vidéo, et puis on s'est engagé avec eux à réparer plusieurs de leurs consoles, donc c'est ça. Mais après ce contrat-là, on a décidé de finalement fermer le département de réparation. C'était pas rentable. C'est ça le problème, en fait. T'sais, c'était dur à calculer la rentabilité de ça. Parce qu'on faisait ça depuis quand même un bout, là, un an, pas Noël de cette année, pas de la Noël de l'année passée, mais l'autre d'avant, me semble, dans ces eaux-là qu'on avait commencé ça, au sous-sol du magasin. Et puis, on n'était pas outillés, ou du moins, on n'avait pas vraiment... On essayait de trouver une façon de compter parfaitement qu'est-ce qui est fait pour nous, qu'est-ce qui est fait pour les clients. La paperasse, c'était compliqué et tout. Martine est arrivée l'année passée, pratiquement à pareille date. Elle a commencé en octobre dernier. Fait qu'elle nous a aidé à vraiment comme peaufiner le système pour qu'on puisse bien mesurer qu'est-ce qu'on répare, qu'est-ce qu'on répare pas, qu'est-ce qui est fait pour nous. Et puis les coûts de tout ça, bien sûr. Et puis ça s'est avéré pas rentable, tu sais. Fait que c'est ça le problème. Donc on peut pas. Tu sais, Carl Léveillé était notre technicien. Puis Carl est une personne en or. Tu sais, Carl, c'est un trooper, tout le temps de bonne humeur. Sauf des fois quand il crissait après les consoles, mais ça. Je le comprends. On est tous en crise des fois au travail, mais on maudit affaire. Fait que c'est ça. Mais Carl, il était super sweet avec tout le monde. Puis, tu sais, c'est vraiment pas du tout une affaire personnelle. Carl, il est très gentil. Puis Carl, il connaît ses affaires. Il connaît ses affaires en crise. T'sais. C'est ça qui arrive. Mais le réel problème dans tout ça, c'est que les consoles, ça vaut pas assez cher. C'est ça le problème. T'sais. Parce qu'il y a bien des consoles que Carl pouvait pas réparer. Parce que plus la console est récente, plus que ça devient du software au lieu du hardware. T'sais. Puis le software, là, les gens, ils réparent plus ça de nos jours. Là, t'sais. Pas juste Carl, je veux dire, dans la vie en général. Tu jettes l'appareil, tu achètes un autre appareil. T'sais. C'est ça qui se passe. Fait que les PS4, les Switch, les affaires, tout le monde qui avait des bugs avec ça, oublie ça, c'était des heures d'analyse pour finalement, Chris, jamais réussir. On n'était pas équipé pour faire ça convenablement, je pense, selon ce que Carl disait. Et puis, même, je veux dire, même les PS3, c'est tellement deep, essayer de trouver le problème là-dedans. Puis une PS3, ça vaut 80$. Puis, tu sais, le département, la réparation est à 25$ de l'heure. Fait que c'est pas long, là. Puis nous autres, quand on n'arrivait pas à... Puis on charge un diagnostic de 20$ pour juste comme mettre les mains dans la machine et commencer à chercher. Là, c'est du temps, ça, là, que nous autres, on paye un payroll. Carl est sur le payroll, fait qu'il est payé à l'heure. Donc, c'est ça. Et puis au final, si Carl, il passe 4 heures au client, mais qu'on n'arrive pas à réparer sa machine, on ne charge pas au client, tu sais. Fait que, il y avait beaucoup de machines comme ça qu'on a, qui étaient irréparables, tu sais. Comme un bon vieux Super NES, Atari, whatever, c'est pas compliqué, là, tu sais. Ben, c'est un peu ça le problème aussi. C'est, ça coûte, c'est une heure de travail, tu sais, comme, on fait pas vraiment d'argent avec ça. Puis avec les consoles irréparables, ben, on perd de l'argent parce que, bien sûr, on va pas charger 150$ à un client parce qu'on a gossé dans sa PS3 pour finalement pas trouver le problème. Fait qu'on y redonne. C'est vraiment désolé, on trouve pas le problème. Fait que peut-être qu'il aurait fallu charger quelque chose, mais, tu sais, là, les gens vont être comme, là, si je paye pour rien. Fait que là, ça devient compliqué, là, vous comprenez. Donc, c'est pas évident tout ça. Les seules fois où est-ce que des réparations de consoles sont intéressantes, c'est quand les gens nous apportent une console qui vaut cher. Sega CD, whatever, des affaires de même. Des consoles qui vaut 200$, tu sais, 250$, 300$, des PC Engine, name it. Les gens, ils veulent vraiment que leur machine marche. Puis Carl, il a les compétences pour réparer ces machines-là. Fait que Carl, il passe 5 heures dans cette machine-là, ou 4 heures, ça coûte 100$ pour réparer une console qui en vaut, tu sais, 300. Ben, les clients vont être contents, tu sais, puis nous autres aussi, puis on est rentable à ce moment-là, puis tout ça est parfait, tu sais. Mais c'est rarement des contrats comme ça qu'on avait, tu sais. Fait qu'au final, c'est ça qui se passe, et puis, tu sais, nous, on est une entreprise, on met tout ce qu'on a là-dedans, et puis, au final, on peut pas, tu sais, je veux pas... On était 100% conscient, tu sais, qu'on allait, comme, bien sûr, faire de la peine à un humain puis blesser Carl en fermant le département. Mais au final, c'est de l'argent, c'est notre argent, tu sais, c'est notre petite entreprise, tu sais, qui on n'est pas millionnaire là en passant. Là, fait que, puis encore moins ces temps-ci à cause que tout le monde a peur, puis l'inflation monte, tu sais, le monde dépense moins. C'est fragile tout ça, là. C'est un écosystème fragile une PME, là, tu sais. Fait que on peut pas. J'étais très heureux qu'on l'essaie, puis que d'offrir un service, tu sais, de réparation au sein de notre entreprise. Puis il y a de la demande en tabarnak. Est-ce qu'il y a de la demande? Il y a une demande incroyable. Mais tu sais, je me rends compte qu'il y a une demande incroyable parce que personne ne le fait, parce que c'est pas rentable. Tu sais, c'est ça le point au bout de la ligne, là, tu sais. C'est pas rentable. Du moins, au sein d'une entreprise, tu sais. Rendu là, Carl, il en fait chez eux. S'il veut mettre, tu sais, 20 heures sur une machine puis charger 80$ au client, ben c'est lui qui décide, tu sais. Mais on peut pas faire ça random de même dans l'entreprise, tu sais. Il faut que ça soit paramétré, serré, tu sais. Puis si c'est pas rentable, à un moment donné, comme réparer nos machines, ça donne rien de prendre une de nos machines qui marche pas puis de passer 4 heures dessus puis qu'on paye un salaire à l'heure puis que ça revient plus cher que le cost de la machine puis qu'au final... Au final, c'est moins cher de crisser la machine aux poubelles, tu sais. Faut comprendre ça. Fait que c'était souvent le cas. Donc, pour toutes ces raisons, on a fermé le département de réparation. Donc, on a enlevé ça de notre site web et puis c'était la fin de tout ça. Donc, Carl est chez eux. Vous pouvez communiquer avec lui si vous voulez. Il va pouvoir réparer vos machines s'il y a le temps. C'est séparé, là. C'est, il fait ses affaires comme avant, et puis nous autres, on a fermé ça, puis on va de l'avant. Fait que voilà pour ça. Sinon, on a eu un employé qui est parti, Marc-Antoine Maher, qui était avec nous depuis, je me rappelle plus quand, hein, quasiment début de la COVID, mi-COVID à peu près, me semble. Là. On l'avait engagé à l'époque comme pour aider Olivier à rentrer du stock sur le site web. Après ça, il est parti un bout, il est revenu, et puis là, il était dans le département de nettoyage et testage de jeux. Donc, c'est lui qui faisait ça, à temps partiel. Et puis, mais lui, il a commencé à s'activer sur Twitch, et puis sur ces plateformes-là, puis à faire du live et tout. Puis, il a eu envie de vraiment continuer à travailler là-dedans, puis aller all-in. Fait que il a décidé de quitter. Hey, excusez. Il a décidé de quitter et puis de faire ça à temps plein. Donc, vous pouvez voir Le Bon Maher, M-A-H-E-R, sur Twitch et puis tout. Et... tout. Il se répand. Il faut qu'il soit connu. Fait qu'allez le connaître. Fait qu'il écoute genre des séries puis des affaires avec les gens. Puis il rigole et puis il y a du rigolage et c'est rigolon et c'est merveilleux. Alors voilà. Donc, il n'y avait plus personne qui nettoyait les jeux ici. Parce que des fois, moi et Joe, on essaye, mais tu sais, on n'a pas le temps. Puis sinon, ben c'est les gens du département web. Quand je dis département web, c'est eux qui mettent les jeux en ligne, hein, qui quittaient leur poste pour aller nettoyer un peu de stock et puis se le préparer pour le mettre en ligne. T'sais. Mais s'il y a quelque chose qu'on a remarqué ici avec le temps, c'est que moins qu'on met de stock en ligne, moins qu'on vend. T'sais. C'est ça qui arrive. Fait que plus que ça descend, t'sais, les jours où est-ce qu'on met... On fait des publications à tous les jours à 5 heures de notre nouveau stock. Et puis si on fait, quand on fait pas ça ou si on met pratiquement rien, c'est directement cause à effet. Il y a pas de, les ventes baissent, tu sais. Fait que il y a un problème là. Il faut que notre département web il soit efficace à 100%. Ça prend quelqu'un pour nettoyer des jeux à temps plein. Et puis ben c'est ça qu'on a décidé en fait, à temps plein. Donc on a trouvé quelqu'un qui s'appelle Jonathan Turcotte. Vous avez peut-être vu passer cette personne, ceux qui sont dans les CCJVQ, whatever, là, me semble qu'il est un peu là-dessus. Et puis, il a commencé lundi passé. Donc, son travail sera de nettoyer et tester les jeux à temps plein. Et puis, aussi, faire un petit peu de réparation. Lui, il était dans les ordinateurs avant son ancien emploi et tout. Fait qu'il y a des petites compétences là-dedans. Et puis, il peut développer ça aussi pour faire des réparations légères, des manettes et puis des consoles, si c'est simple, tweaker des NES, des affaires comme ça. On n'embarquera pas dans le gros progrès, dans changer des lentilles de Wii ou whatever pour l'instant. Il pourra développer ça s'il veut. Fait que cette personne-là devient une espèce de hybride là, entre Carl et Marc-Antoine. Là, fait que ça, c'est intéressant. Il a commencé la semaine... cette semaine. Non, la semaine... oui, cette semaine. Et puis, il est bien efficace. Les machines à resurfacer. Et puis, ça nettoie, ça teste. C'est merveilleux. Donc, voilà. Puis on a quelqu'un en magasin aussi qui était à temps plein, qui est tombé à temps partiel. Donc on a engagé une nouvelle personne qui s'appelle Sharon, alors très sympathique. Demoiselle je connais pas son horaire par cœur, parce que les horaires, c'est quasiment un job à temps plein ici de gérer les horaires du staff qui sont toujours changeants. C'est incroyable. Et puis c'est ça. Mais bref, Sharon, si vous êtes en magasin, vous passerez la voir, elle est bien gentille. Donc ça c'est bien. Ça change souvent. Puis là, ce qu'il y a d'excitant, c'est qu'il y a on travaille fort présentement pour... On a réactivé la recherche de notre prochain local, car il faudra déménager. Là, bien sûr, là, il y a du développement. Il y avait du développement sérieux. On avait une piste. Puis on était comme, ça y est, là, c'est parfait. Et puis finalement, on a eu un meeting. Puis finalement, c'était plus aussi parfait qu'on le pensait. T'sais. Fait que là, ça nous a jeté à terre. Fait qu'on a réactivé toutes les autres recherches et plus qu'on avait déjà. Et puis on s'est vraiment réactivé. Puis finalement, bon, il y a des affaires qui se sont replacées. Puis on dirait qu'on va aller de l'avant. Il y a une direction là, pas mal précise. Donc je dis rien parce que je sais que j'ai des employés qui écoutent mon podcast. Puis je veux pas jinxer rien non plus. Fait que tout sera annoncé quand ça sera le moment. Mais ce dossier-là avance, puis je suis vraiment content. Là, parce que c'est un dossier compliqué, là, vraiment. T'sais, peu importe le local que tu regardes, il y a des travaux à penser. Quand est-ce qu'on quitte? Quand est-ce qu'on rentre? On a deux espaces commerciaux, nous autres, à gérer des déménagements. T'sais, puis c'est vraiment pas simple. Là, t'sais, fait qu'on a beaucoup ça dans la tête à travers toutes les autres choses. Mais il faut le faire, puis on est rendu là. Donc, ça va bon train. Et puis, je suis bien confiant pour de la décision qui est prise. La décision est pas mal prise, mais il y a rien de signé, tu sais, encore. Il reste des affaires à discuter, disons. Mais je suis confiant de ça. Et puis, si tout cela se passe et va de l'avant, ça va être vraiment hot. On va avoir un très beau gros magasin, je veux dire en pied carré là, ça va être impressionnant vraiment. J'en ai vu des magasins au Québec, j'en ai vu, très légèrement en Ontario. Et puis, bon, quand j'essaie tout le temps d'en trouver, là, tu sais, mais si on réussit à faire la vision qu'on a, là, ça va être assez épique. Là. Ça va être pas mal nice. Donc, j'ai bien hâte d'annoncer ça. Et puis, moi, bien sûr, je vais hyper tout ça au fur et à mesure, comme j'aime bien le faire. Je trouve. Puis quand on va réouvrir, tu sais, dans ce nouveau local-là, je veux que ça frappe, tu sais, je veux faire une belle ouverture. Quand on ouvre les portes, oh, il y a des affaires, tu sais, partout. Puis avec un plus grand espace aussi, on va se permettre d'avoir une marchandise beaucoup plus variée. Parce que là, on a des jeux, puis ça va toujours rester le point focal de notre entreprise, ça c'est sûr et certain. Mais on a besoin de produits connexes, tu sais. On a besoin des t-shirts, des tasses, des toutous, name it, des affaires Pokémon. On a besoin de tout ça en tant que magasin de jeux vidéo, tu sais. Mais on n'a pas de place dans notre présent magasin. Et puis, là, on va en avoir. Alors, on va faire le plein de toutes ces affaires-là. On va faire des tests. On va trouver qu'est-ce qui est hot. Parce que c'est pas... Les gens, ils achètent de tout. T'sais. Ils viennent acheter un jeu. « Ah, je veux un toutou. Ah, c'est bien cool. Ah, c'est le temps des fêtes. » Tu sais, faut qu'on soit un magasin comme ça. Tu sais, faut qu'on soit un GameStop, mais avec des jeux dedans. C'est ça. Je pense pas qu'on va se lancer dans les pop. J'en parle quand même souvent. Les pop, ça me fait crissement peur. Pas trop envie de me lancer là-dedans. Je pense que j'aurai des cartes avant d'avoir des pop. Mais on n'est pas rendu là du tout. Là. On va quand même rester jeu. Mais on pourrait avoir un plus grand éventail de choses. Et puis, tu sais, on a aussi des protecteurs de boîtes pour protéger tes boîtes de 64 et puis de Super NES. On en a, puis vous le savez, ils sont sur notre site web et tout. Puis on a des boîtiers de rechange, des affaires comme ça. Des affaires très utiles pour les collectionneurs. Mais en magasin, on les voit pas, ces affaires-là, parce qu'ils sont au sol, tu sais. Fait que... Puis on va pas dire à chaque client, on a des protecteurs, hein? Tu sais, s'ils nous le demandent, bien sûr, on en a. Mais si on les met dans la face du monde, ben on va en vendre bien plus, tu sais. Puis on a des boîtes, puis des livrets, puis des affaires, tu sais. Plein de choses aussi qu'on va pas nécessairement lister sur notre site web, parce que c'est trop long, puis ça serait pas rentable de le faire. Mais on peut les mettre à portée, tu sais. Puis les gens magasinent leurs livrets, leurs affaires. Tu sais, ça, d'avoir beaucoup plus d'espace, ça va ouvrir beaucoup. Donc ça, c'est intéressant. Oui. Donc, j'en dirai pas plus. Ça, c'est cool. Et puis, voilà. Sinon, Retro MTL sera du Mega Mix. Ça s'en vient, ça, le Mega Mix. D'ailleurs, je vais regarder la date. J'étais allé au Mega il y a plusieurs années. Avant la pandémie, bien sûr. Mega Mix, c'est du 19 au 22 octobre. Et si je regarde le calendrier, nous autres, on sera là vendredi et samedi. Donc, le 21 et 22 octobre, Retro MTL sera au Mega Mix. On va avoir 4 tables sur lesquelles il y aura 2 télés, 2 stations pour gamer. Donc, on va amener des consoles, puis les gens vont jouer. Puis, on va faire jouer les gens, puis on va vendre nos jeux. Donc, c'est un rendez-vous. Là, on va commencer à faire justement des festivals. Des festivals comme ça. Ben, c'est pas un festival, hein. C'est une convention, excusez-moi. Moi, je viens de chez Juste pour Rire, je travaille chez Juste pour Rire, fait que pour moi, tout est un fucking festival. Fait que, oui, on va essayer de faire des conventions de façon un petit peu plus sérieuse, le Comic-Con aussi. Puis on va amener du stock du magasin. Mais vous savez, c'est compliqué d'amener des affaires là-bas parce qu'on peut amener des affaires qu'il y a ici au QG qui sont pas en inventaire. Mais là, comment le vendre pour qu'il rentre dans l'inventaire? Tu sais, oui, on a des façons de faire avec des SKU précis et tout ça. C'est quand même compliqué. Sinon, un magasin, on prend du stock du magasin, il est déjà pricé. Pip, pip, pip, on le vend là-bas, merci, bonjour. Donc ça, c'est ça qui va se faire. Donc ça va être efficace. Puis, dépendant de la convention aussi, on amène des choses différentes. T'sais, on n'amènera pas au Mega Mix les mêmes affaires qu'on amenait au CCJVQ pour les collectionneurs plus deep, mettons. On va amener des affaires un petit peu plus monsieur, madame, tout le monde. Fait que j'ai hâte de voir ça. Donc, on veut commencer. On s'est fait faire des t-shirts. Faut que j'achète des nappes tantôt. Donc, on va commencer à s'introduire dans les conventions et hopper notre game. Puis, on va commencer tranquille. Là, en même temps, si on a ouvert un magasin, C'était pour arrêter de courir les hosties de convention, de courir partout les ventes de trottoir comme des malades. Là, c'est comme, le stock est là, venez l'acheter. Nous autres, on bouge plus. Mais si on a le manpower et woman power pour le faire, nos employés ils ont vraiment envie d'y aller. Comme tout le monde se porte volontaire, c'est comme, Colin, allons-y d'abord, parfait. Parce que moi, ça, j'en ai fait beaucoup du courraillage comme ça, et puis ça m'épuise. Mais ça me fait très plaisir qu'on soit sur la map en faisant ce genre d'affaires-là. Donc, on sera présent à cela, et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, on se voit peut-être là. Moi, je sais pas encore ça va être quoi mon horaire, ou je vais peut-être être genre flotty, ou je vais devoir remplacer en magasin vendredi parce que les employés sont partis le faire là-bas. Tu sais, faut bâtir un horaire, puis on est là-dessus. On va se relayer, deux équipes. Il va peut-être avoir des refills de jeu à faire entre les deux, où on va se dire, on va se rendre compte que ça vend pas bien, bien. Fait on sort ça vendredi, puis samedi, on apporte d'autres types d'affaires. Donc, c'est ça. Ça va gauler, mais je suis curieux de l'essayer. J'ai hâte. Fait que j'espère aussi que les ventes vont être au rendez-vous. Le but de ça aussi, c'est de faire des ventes, n'est-ce pas? Fait que si les ventes sont minables pour toute cette gestion de staff-là, puis de prendre nos chars, d'aller porter le stock, tu sais, si ça s'avère pas rentable, on le fera pas. C'est rentabilité. Moi, c'est rentabilité avant tout. Sinon, on se fait pas chier. Faut que ça paye. Très important. Ah, parlant de payer, je sais pas si on est commanditaire ou partenaire ou je sais pas quoi, mais on a fourni des cartes cadeaux au Festival du Nouveau Cinéma. Le festival, je vais aller voir ça aussi, les dates de ça. Festival Nouveau Cinéma. Donc, cela est un festival qui existe quand même depuis très longtemps. Puis, ils vont avoir un genre de quiz, là, de film, de spécial voiture, là, une affaire bizarre. Et puis, dans ce quiz-là, nous autres, on fournit deux cartes cadeaux de 50$. Alors, si jamais vous êtes au Festival du cinéma et puis que vous voulez participer à ce quiz, car quiz il y aura, ben, vous pourriez courir la chance de gagner un 50 tomates à dépenser chez Retro MTL. Ça, c'est parfait. Ça peut vous payer beaucoup de protecteurs pour vos boîtes de Nintendo 64. Je vous le recommande. Ou beaucoup, beaucoup, beaucoup de liquidation à 1 ou 2$. Ou un jeu Switch à 50$. Il y en a des bons. Alors, voilà. On sera là et tout. Puis, ma souris va lâcher. Les batteries sont mortes. Et puis, ben, c'est pas mal ça pour être un TL. Là. Sinon, on s'amuse. Ah oui, non, c'est vrai. Hier, vous connaissez peut-être la boutique de jeux à Saint-Jérôme qui s'appelle Souffle dans la cassette. Donc, Julien Ouellette, qui était propriétaire de ça, il fait ça depuis... depuis combien de temps? Depuis un bout de temps, 2015, je pense, quelque chose comme ça. Et puis, il venait ça faisait pas si longtemps qu'il avait déménagé dans son nouveau local à Saint-Jérôme, parce qu'avant, il était à Sainte-Sophie. Et puis, il y a un système comme le nôtre, là, employé, mise en ligne, photo, tout le kit. Il misait beaucoup sur son site web et tout. Puis, Julien a décidé de tirer sa révérence. Là, je vous raconte pas des affaires secrètes, c'est public partout. Donc, ça a été affiché partout. Donc, il a communiqué avec nous pour voir si on voulait acheter son inventaire. En fait, il a fractionné son affaire en deux. Tu pouvais acheter la business avec le nom et le site web et l'infrastructure, et tu pouvais acheter l'inventaire complet. Nous, on a déjà une structure, n'est-ce pas? Et puis, on voulait pas acheter une franchise puis aller s'installer à Saint-Jérôme. Rien contre Saint-Jérôme, là, mais ça ferait pas de sens. Si on veut s'installer quelque part, on viserait plus Toronto, mettons. Puis l'inventaire. Donc, l'inventaire complet, Julien demandait un prix qui était trop élevé pour nous, pour nos besoins. Et puis, finalement, ça n'a pas eu lieu. Puis, il n'a pas réussi à le vendre complet. Fait qu'il a décidé de le fractionner par console et puis à vendre comme ça, chaque console. C'est chaque inventaire de console qu'il y avait. Donc, on a passé à travers tout ça et puis on lui a acheté son PlayStation 1, son Wii U, ses Amiibo et son GameCube, parce que ce sont tous des choses que le prix était bon pour nous et qu'on avait de besoin. C'est-tu drôle, ça, pareil? S'il y a une affaire dans la vie, pourquoi je me suis trompé, c'est bien les Amiibo. Moi, c'est comme, on vendra jamais de cette cochonnerie-là dans mon établissement. Puis finalement, on en manque. Ça, moi, je me suis trompé là-dessus. T'sais, pour moi, les animaux, c'était, depuis la 3DS, c'était comme un déclin dans ma tête. Là. Personne n'achète ça, c'est de la merde. Le monde achète ça, ça prend de la place, ils veulent s'en débarrasser. C'est vrai, mais il y a comme un cycle. Je sais pas quoi, le monde, ils achète, ils revendent, ils achètent, ils en ça bouge, les amiibos. Et puis, ça continue d'être super populaire. On en vend tout le temps. On en vend. Fait que nous autres, là, les amiibos, là, on en veut. Le comptoir est vide. On a besoin de beaucoup. Fait que ça roule. Je suis totalement ébahi de ça. Wii U, ça peut vous paraître surprenant aussi, mais on n'a jamais beaucoup. Puis, ça vend bien, les Wii U. Des consoles Wii U, on en vend. Ah, on vend toutes, hein. On vend tout. Il y a des affaires qui partent beaucoup plus vite que d'autres, bien sûr, les GameCube, les affaires. Mais Wii U, ça continue de rouler, fait qu'on a besoin de jeux de Wii U. Le PS1, il n'y avait rien de grand là-dedans, tu sais. D'ailleurs, dans son inventaire, il n'y avait pas de jeux là, de plusieurs, de centaines de dollars. C'est du roulement ou des jeux pas trop chers. Puis dans le PS1, ben, on n'a plus grand-chose. Puis on a des gros jeux, on en a quand même pas mal. Mais justement, on avait besoin d'une injection comme ça de jeux à 20$, 30$, là, t'sais, pis des jeux comme ça. Fait que ça va faire du bien, on va pitcher ça. Puis le GameCube, ben, ça roule tout le temps. T'sais, il était plus cher, mais bon, on en a toujours besoin. Et puis l'avantage aussi, c'est que ça provient de son commerce, alors tout est déjà nettoyé, resurfacé et prêt à vendre. Donc il reste juste à enlever ses étiquettes de prix, mettre les nôtres. On va quand même faire un petit check-up niveau qualité. Voir si tout est resurfacé comme on le fait ici, si les boîtiers. J'ai vu des boîtiers de PS1 péter aussi pas mal. Nous, on a des boîtiers de remplacement. Donc, on va les remplacer, ceux-là qui sont cassés, des affaires de même. Mais bref, l'avantage de cet inventaire-là, qu'on paye quand même plus cher que si on faisait du rachat en magasin, c'est que tout est clean déjà. Alors, on sauve la main-d'œuvre là-dessus, fait que ça devient intéressant. Fait que, donc, pour sauver dans cassette, ce qui se passe avec ça, puis l'autre aspect, l'infrastructure a été rachetée. Donc, l'entreprise va continuer à exister. À partir de lundi prochain, donc début octobre, ça va être les nouveaux propriétaires qui vont opérer. Et puis, Julien y tire sa révérence. Donc, je lui souhaite bonne chance. Et puis, Julien a toujours été bien gentil. On a tout le temps eu des relations cordiales en tant que compétiteur. Parce qu'on fait la même affaire, tu sais. Fait que, mais moi, je crois en ça, d'avoir des relations saines entre commerçants de la même faculté. Je pense que c'est important de pas s'envoyer chier puis de travailler ensemble. Puis il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde vit, tout le monde continue. Et puis c'est très bien comme ça. Donc, ouais, ça a tout le temps été bien chill avec Julien, puis il a travaillé fort, fait que tout le mérite lui revient. Et puis, je le comprends aussi, là, il a comme envie de passer à autre chose, tu sais, il est un peu tanné de faire ça. Puis, vous savez, j'adore tous nos clients. Mais, des fois, c'est tough. Il y a beaucoup de gestion. C'est ça le plus difficile dans cette business-là, de gérer. Il y a beaucoup de clients, puis plus que tu en vends massivement des affaires, plus qu'il y a des gens, c'est comme, mon S marche pas, je peux-tu venir changer ici? Tu sais, les gens, ils ont beaucoup d'exceptions. C'est comme, vous m'avez remboursé ça, mais c'est pas revenu sur ma carte, je le vois pas dans mon compte en banque. Fait que, tu sais, quotidiennement, c'est de la gestion comme ça, tu sais. Nous autres, on est une équipe quand même assez grosse, fait que tout le monde en fait un petit peu, tu sais. Il y a du monde en magasin qui gère les clients en magasin qui ont des affaires compliquées. Nous, moi et Joe, on en gère en ligne, on fait des affaires, des retours, des patentes, des affaires. Puis c'est ça, on se split la masse de tout ça à plusieurs. Mais Julien, j'ai comme l'impression, était proche de tout ça tout le temps. Puis vous savez, si vous ferez du commerce au détail, ça vient que ça gruge ça à longue. Fait que s'il y a une affaire qui va pas s'ennuyer, c'est bien de la gestion de tous ces micro-problèmes-là qui apparaissent tout le temps. Puis je le comprends très bien. Donc, mais ça fait partie de la game. Si on veut faire ça, ben ça vient avec, tu sais. Là, j'ai entendu un son. Y a-t-il de quoi qui a lâché? Là? En tout cas. Donc voilà. Puis, on avait eu des... on avait discuté aussi avec la boutique Jeux Plus à Sherbrooke il y a quelques mois, que lui aussi voulait tirer sa révérence. Alors, tout est à vendre. Le magasin Aziz ou l'inventaire, mais il préférait vraiment vendre le magasin Aziz. Puis là, on s'était questionné, on veut-tu s'installer à Sherbrooke, donc? On va avoir une franchise à Sherbrooke, tu sais. Mais c'est pas simple, là, tu sais, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce, il faut se mettre un lit de camp dans le backstore pour descendre à Sherbrooke, passer la semaine là, tu sais, ou back and forth, mettre un système en place. Méchant casse-tête. Puis aussi, pour le marché sherbrookois, tu sais, Je veux dire, là, on est à Montréal, il y a un marché. Puis là, à Sherbrooke, il y en a déjà là, du monde là-bas. Là, autre jeu plus, Sputnik, puis je pense qu'il y a un micro-play, puis une autre affaire. Fait qu'il y a déjà, c'est déjà assez occupé. C'est combien d'argent on peut tirer de ça, tu sais, versus l'investissement qu'on va mettre, puis tout le trouble au final. C'est pour ça que je parlais de Toronto tantôt. Tu sais, pourquoi aller dans un plus petit marché quand on pourrait essayer d'exploiter un plus gros marché, si on a à faire ça? Donc, on n'est pas du tout, d'ailleurs, en passant, rendu à faire ça, ouvrir des franchises. On va commencer par tous déménager sous le même toit puis bâtir notre temple de la grise. Mais ça, c'était pas intéressant. Puis pour l'inventaire, ben c'est ça. Finalement, il était prêt à vendre l'inventaire, peut-être, puis on s'est pas entendu, mais que ça n'a pas eu lieu. Ça a été racheté, je pense, par la... Comment ça s'appelle, là? Une boutique que je connais pas, qui vendent beaucoup de cartes puis des affaires de même. Tout sauf des jeux. La voûte, je pense, quelque chose de même. Et puis, là, ils ont acheté ça. Fait que là, ils vont faire des jeux aussi. Fait que voilà. Fait que là, on voit les pauses passer. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de cartes puis de patentes. Fait que bref, grosse structure, grosse affaire. Mais c'est ça. C'est pour nous, jeux plus, puis sauf dans cassette, c'est des entités existantes, tu sais. Puis ces gens-là ont décidé de fermer ça ou de passer à autre chose cette année. Fait que c'est surprenant. On reste tout le temps surpris de ça. Mais tout ça est bien vivant. Puis c'était vraiment des décisions personnelles. C'est pas parce que les business marchaient pas. Fait que voilà. Mais acheter de l'inventaire de même, c'est jamais si tant rentable. Toujours mieux de l'acheter en haut. via le rachat en magasin, là, tu sais. Puis on a quand même pas mal de stock aussi, là. Ça ne donne rien de racheter 50 000 piastres d'inventaire pour pelleter ça par-dessus le tas qu'on a déjà ici, puis de finir de passer ça dans 3-4 ans, tu sais. C'est juste du capital qui va dormir, là, tu sais. Fait qu'il faut vraiment... Faut pas avoir trop d'inventaire d'avance, tu sais. Sinon, c'est de l'argent qui dort. Faut juste avoir le bon niveau, tu sais, pour que ça roule tout le temps, qu'on gèle pas toute notre cash en inventaire. Puis c'est vraiment ça, on travaille fort là-dessus, surtout depuis que Martine est là, qui nous a ouvert beaucoup les yeux. On rachetait énormément, puis on rachetait aussi quand même pas mal d'affaires très chères. Excusez, puis les affaires chères, c'est long à vendre, c'est difficile. Puis c'est long, et puis, tu sais, on était tout le temps en panique. Faut racheter, ça nous prend toutes les affaires, là. Tout est rare, on a besoin. Hein? Finalement, on se met à en passer des affaires parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'offres et puis de gens qui vendent leur collection, surtout ces temps-ci. Donc, puis il y a des gens, des fois, qui nous offrent des choses. Voici ma collection, ben voici ma collection de trucs. Et on offre un prix, puis ils sont surpris, ils trouvent ça bas, mais je suis comme, ben écoute, on a beaucoup de monde qui nous écrivent pour vendre leurs affaires présentement. Puis ce que vous nous offrez, on en a déjà énormément. Les gens en achètent moins. Fait que, tu sais, on va se mettre la corde au cou là, si on se met à acheter toutes ces affaires-là, tu sais. Moi, une collection de Super NES en boîte, là, puis que chaque jeu en boîte vaut 500$ en montant, j'achèterais jamais ça, hein, tu sais. C'est super dur. On a des Turtles in Time, Complete in Box, des Chrono Trigger, des affaires. Je suis conscient que tout ça est super cher présentement. Mais on n'achète pas ça parce que le monde, il n'en achète pas. C'est ça qui se passe. C'est rare que le monde pull the trigger sur des grosses affaires de même. Fait qu'il faut slacker ça. C'est pas, les temps sont durs. Les taux d'intérêt montent. Puis ça me fait peur en crise. Et puis, l'inflation. Donc, les gens se retiennent. Faut qu'on se retienne nous autres aussi. Sinon, on va se mettre dans le trou. Fait que voici la réalité. Terminé pour Retro MTL, parlons de l'arcade MTL maintenant, qui est effervescent plus que jamais. J'en suis totalement surpris. Comme il y a du monde, c'est plein tout le temps. C'est comme plus qu'avant la COVID, là, quasiment comme à l'ouverture, là, tu sais. Fait que ça roule, le monde y sort, le monde y vient. C'est vraiment trippant de voir ça aller, là, tu sais. Je pense que ça a beaucoup à voir avec notre gérant Hugo aussi, qui manage l'équipe super bien, qui est rassembleur, qui nous parle beaucoup, qui nous donne des rapports. Avec lui, on construit des trucs. Moi, je fais beaucoup d'événements privés avec lui. Puis, tu sais, ça aide là, énormément, tu sais. Puis, on a mis en place ce système de cartes pour payer débit, crédit. Il était fucking temps. Je pense que ça fait que les gens dépensent plus aussi. Donc, c'est merveilleux. Alors, on ramène il y a des soirées DJ, je ne sais pas si vous avez vu, les lundis. Habituellement, on est fermé les lundis, mais là, on est ouvert les lundis. Puis, il y a des soirées DJ. C'est une initiative d'un de nos employés, Kevin Nagy. qui a lancé ça, lui est là-dedans, il fait des festivals de musique et tout. Puis ça marche au bout, là. Il y a full de monde qui viennent. Fait que si c'est votre truc, les DJ, la musique house ou whatever, drum and bass, il y a toutes sortes de styles, checkez ça, c'est 10$ l'entrée. T'as-tu une consommation gratuite? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Peut-être. Mais en tout cas, c'est 10$ l'entrée, DJ, musique, good vibes, comme il dit dans son post. Donc ça marche super bien. Moi, je suis jamais allé, c'est pas tant mon truc. Mais, tu sais, je me disais un lundi, tu sais, ça marchera jamais cette affaire-là. Puis finalement, ça marche au bout, là. Fait que c'est incroyable. Très heureux. On ramène les soirées d'humour aussi. La prochaine sera mardi prochain. Mardi prochain, on va être le... Monday, on va être le 4 octobre, ouais. Fait que l'humour revient, animé par les mêmes animateurs, Alex et Joël Prudhomme. Oh my god, c'est ça? Ah, excusez. Ah, j'essaie d'y aller, ma souris va lâcher. Ouais, ben j'ai réajusté un peu le visuel encore, là. Alex BL, animateur, et Joël Prudhomme, chroniqueuse. Excusez-moi, pardon. Donc, le même duo. Et puis, voilà. Et puis, ben sinon, les tournois aussi. Rouen repart les tournois. On repasse avec lui. Il y a eu du double dash. Le smash est de retour. On va faire d'autres affaires. Donc, ça va rouler. C'est bien le fun. Puis, Hugo aussi fait des parties avec l'UQAM le jeudi. Tout ça. Fait que tout ça est bien excitant parce que oui, on est revenu de la COVID et puis c'était bien correct puis tout. Puis on n'a pratiquement pas rien fait de spécial comme événement l'été. Fait que là, il y a tout ça qui se passe. Puis on a fait le party Infernax et puis on a d'autres idées, tu sais. Fait que on réactive comme les événements autour de l'arcade. Puis ça, c'est vraiment bien. Donc ça m'a rempli de bonheur. Je suis vraiment content. Et puis, j'y serai ce soir, d'ailleurs, pour l'anniversaire d'un ami. Fait que ça fait super longtemps, je suis pas allé. Faut que je me rembourse des affaires que j'ai achetées pour l'arcade, là. Je veux mon argent. J'en ai besoin. Je suis pauvre. Faut que je m'achète... faut que je repaye mes Tortues Ninja. Mais c'est acheté Tortues Ninja au Game Boy. Mon ami Jonathan Millette, a décidé de mettre la hache dans certains de ses items de sa collection personnelle. Fait qu'il y avait un Turtles 3 Radical Rescue au Game Boy, il est complet en boîte et c'est celui qui me manquait pour avoir la trilogie complète. Vous avez vu ça sur ma page Facebook. Fait que je lui ai acheté et puis je suis bien content là, que ça soit réglé. Puis en même temps, j'ai pu me pogner le livret du 2 qu'il y avait parce qu'il vend le 2 aussi. Puis voilà, donc complet en boîte, trilogie complétée. Hey, ça vaut cher hein, ces boîtes de carton-là, Game Boy en passant. Là. Complet en boîte, ce Turtles-là, c'est genre 1000$. Là. C'est fou. Je l'ai pas payé ce prix-là, mais si tu veux ça, là, c'est pas donné. Mais s'il fallait que je vende, que je commence à épurer ma collection puis vendre des affaires en bois, définitivement qu'il y aurait d'autres affaires qui partiraient avant ça. Ça, la trilogie de Turtles au Game Boy complète en bois. J'ai aussi au NES, quoique j'ai pas Tournament Fighter, mais ça, je m'en crie ça un peu. Au Super NES, Tournament Fighter, Turtles in Time, j'ai Hyper Stone Heist. Au Genesis complet. Tous ceux-là que j'aime, t'sais. Tous ceux-là, ça compile finalement. Sur la Cowabunga Collection. J'ai presque tout ça en boîte, sauf les tournaments que je m'en fous. Sauf tournament au Super NES, j'aime ça. J'ai même les deux arcades. Hein? Fait que j'ai tout ça en vrai. Fait que pourquoi j'ai acheté ça, cette compilation-là? Je l'ai acheté surtout pour jouer aux arcades, aux versions arcades dans ma Switch, tu sais. Et puis voilà. Donc, il va falloir que je vous quitte. Il est déjà 9h41. J'ai commencé ça un peu plus tard. Je pensais parler politique quand même. Puis là, je suis comme un peu épuisé d'avoir parlé déjà de tout le reste. Puis là, si je me mets à parler de politique, je vais me trigger. Puis je vais m'épuiser, vraiment. Mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer quand même lundi prochain. Moi, j'adore écouter les élections. Et puis, bien sûr, la CAQ semble avoir une longueur d'avance sur toutes les autres. Toutes les autres semblaient égaux. J'ai pas regardé ce matin, mettons, les dernières tendances. Mais les tendances aussi, ça bouge beaucoup. Là, c'est pas nécessairement ça. Mais je suis bien curieux de voir ça, comment ça va se développer dans l'opposition. Il y a eu des revirements quand même. Il y a eu des affaires qui... Le deuxième débat des chefs a été... important pour moi, je dirais. Ça m'a même fait changer mon vote. Et puis, ouais, c'est bien intéressant. Donc, peut-être j'en parlerai au prochain épisode. Là, j'ai mal à la tête. Je suis fatigué. J'ai pas la force. Mais ça fait déjà 45 minutes. C'est pas si pire. Ça sera un show un petit peu plus court que d'habitude. Mais bien con aussi. Fait que, ouais. Ça m'a fait du bien quand même de vous parler. Très heureux. Merci, merci à tous ceux qui m'écoutent, ceux qui m'écrivent. Merci à mes Patreons. J'ai un Patreon qui vient de changer son 1,5$ pour 5$ par mois. C'est comme très généreux. Merci vraiment beaucoup. C'est vraiment apprécié. Il y en a parmi vous que je croise à l'arcade. Il y en a à qui je parle sur Facebook, whatever. C'est CJVQ, donc c'est toujours un plaisir, bien sûr. Et puis, j'ai mon channel Discord pour mes Patreons. Si jamais vous êtes Patreon et vous n'êtes pas sur mon Discord, n'ayez pas peur de m'écrire, je vais comme vous re-shooter le lien. J'oublie des fois, je ne sais même pas si j'ai nouveau Patreon. Je sais pas. Si vous êtes Patreon, vous voulez participer à mon Discord, écrivez-moi. Et puis, mais je suis pas très actif. Je vais aller voir là, d'ailleurs, je vais l'ouvrir. On va voir qu'est-ce qui est rendu. C'est à peu près les 5, 6, 7 personnes là, qui jasent. Je sais pas s'il y en a plus que ça. Je suis tellement noob dans Discord. C'est juste que j'ai pas la force d'explorer complètement un nouveau réseau social. Là. Je sais que c'est le futur là, puis que c'est bien efficace puis tout, mais je suis fatigué. Je veux pas ça. Fait que j'ai juste mon petit Discord général dans lequel je parle un peu et puis voilà. C'est pas grand-chose. Vous n'avez pas besoin d'être FOMO pour là-dessus. Si jamais vous ne l'êtes pas, c'est quand même léger. Donc, merci énormément. Merci. Écoutez, si vous venez à l'arcade, merci. Si vous achetez des jeux chez RetroMTL, merci. Écoutez Retro Nouveau, mon podcast, si. Très apprécié. Très apprécié. Ça me fait chaud au cœur. Et puis, ça m'aide à pas sombrer dans l'anxiété et la dépression. Alors, voilà. Je vous souhaite d'être heureux. Et puis, on se reparle très bientôt.